Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 20 janvier 2011 et vous êtes à l'écoute de Choc FM, l'alternative Montréal et dans le monde, la radio officielle de l'UQAM ici à Montréal. Alors, mes amis, cette semaine, nous avons sur le menu, nous allons voir ce que nous aurons le temps de toucher, mais ce qu'il y a sur la table, nous avons des nouvelles de l'actualité, un petit peu d'insolites, nous avons refroidissement climatique et un paquet de nouvelles aussi là, concernant, on va parler un peu de fluoration, on va parler de ce qui se passe en Tunisie, Corée du Nord, des petites nouvelles sur le TSA. Services de sécurité dans les aéroports aux États-Unis. On a aussi des nouvelles sur la Palestine qui se fait reconnaître un peu partout par différents pays là, à travers la planète. Alors, c'est des dossiers très intéressants avec aussi des développements là, au niveau là, d'Israël aux frontières du Liban et de la bande de Gaza et de la Palestine. Alors, on va parler de ça et puis, ça devrait pas mal couronner l'émission. Il y en a déjà en masse comme ça, donc ça devrait être ça pour cette semaine. Alors, je vous lance tout de suite en partant deux articles que j'ai trouvés assez loufoques, assez spécial dans le sens que le premier, on parle de 10 noms d'enfants, de bébés qui sont rendus illégaux dans différents pays. Tout dépendant des pays, parce que, bon, différents pays ont différentes significations, différentes cultures, les langages et tout. Donc, tout dépendant des pays, ben vous avez des noms qui sont bannis. Et c'est assez spécial. Ça fait suite au pape qui a déclaré la guerre là, aux parents qui nomment leur enfant avec des noms là, de célébrités, de fruits ou de voitures sport populaires comme Ferrari, où on appelle des enfants Apple, donc Pomme, Brooklyn, ça a été selon le pape là, banni, donc on ne devrait pas appeler leur enfant comme ça. Par contre, les noms comme Francisco et Julia sont acceptés. Quelqu'un qui a écrit un article sur Internet qui va sous le nom de pseudo de Shine, que vous pouvez trouver sur les nouvelles de Yahoo. Et puis, vous allez voir ça, c'est un article en anglais, mais ça va vous donner quand même quelques sourires, ça c'est certain. Vous avez par exemple un couple qui ont voulu appeler leur enfant en Nouvelle-Zélande 4 Real, alors 4, le chiffre 4 et puis Real, 4 Real. Voilà, c'est spécial, donc on a banni ça. Vous avez un couple en Nouvelle-Zélande qui ont appelé leur jumeau Fish and Chips, imaginez. Alors, vous avez toutes sortes de personnes comme ça, assez spéciales, qui décident d'appeler leur enfant de des noms assez farfelus sans jamais vraiment penser à ce qui pourrait en découler plus tard lorsque les enfants vont aller à l'école et puis évidemment là, être la risée de tout le reste des enfants. Vous avez même des personnes qui ont voulu appeler leur enfant comme Metallica ou Ikea ou Véranda, imaginez-vous donc, c'est assez spécial pareil. Il y a vraiment des parents qui sont assez capotés, je vais vous dire. Il y en a d'autres aussi qui sont assez spéciales, comme en Malaisie, on a refusé qu'un couple appelle leur enfant Chow Tao. Bon, ce n'est pas vraiment là très acceptable parce que en cantonais, Chow Tao, ça veut dire une tête puante, si vous voulez. Alors, vous voyez, imaginez les parents qui appellent leur enfant tête puante. Alors, c'est quand même spécial. Vous avez un couple d'enfants en Chine qui ont voulu appeler vous avez un couple d'enfants, c'est ça, qui en Chine, qui ont voulu appeler leur enfant A commercial, imaginez, appeler A commercial. Au Danemark, vous avez un couple qui ont voulu appeler leur enfant Anus. Alors, merci papa, maman, de vouloir m'appeler Anus. Alors, c'est vraiment fantastique. Au Portugal, un couple ont voulu appeler leur enfant OVNI. Alors, vous avez même un document de 80 pages du gouvernement portugais qui bannit certains noms d'enfants. Alors, imaginez OVNI. Alors, bonjour OVNI. OVNI, viens manger. Alors. Quand même assez spécial. Vous avez un couple au Japon qui ont appelé leur enfant Akuma. Ça a été refusé par le Japon aussi. Akuma qui, en japonais, veut dire le démon. Alors voilà, des parents qui sont vraiment particuliers, il y en a. Ensuite, des gouvernements qui sont aussi assez particuliers, il y en a beaucoup. Et puis ici, ben, c'est un article où on parle de 53 vraiment là des lois complètement stupides et débiles mentales. Et puis suite à cet article-là, il y en a un autre de 74, je crois. Et ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil rapidement là-dessus. C'est vraiment spécial. Par exemple, en Alabama, c'est illégal de porter une fausse moustache lorsque vous allez à l'église. Alors, voyez un peu le genre de. Ça, c'est des lois qui existent. Hein? Alors, dans le ridicule, il y en a. Il y en a. C'est vraiment particulier. En Alabama, vous pouvez, si vous mettez du sel sur le chemin de fer, alors ça, c'est. Vous pouvez être puni, en fait, recevoir une peine de mort par l'État d'Alabama. Voilà. En Alaska, à Fairbanks, c'est illégal de donner de l'alcool à un orignal. Et puis, c'est illégal aux orignaux d'avoir du sexe dans les rues de la ville. Alors, imaginez, on va donner une étiquette, là, hein, un billet de contravention à ces orignaux qui ont du sexe dans les rues en Alaska. Alors, voilà quoi. Et vous en avez comme ça, là, une quantité là, assez impressionnante. Dans cet article, c'est 53. Dans un autre, comme je disais, je crois que c'est 74 qu'il y en a. Vous pouvez être arrêté par la police au Connecticut si vous faites de la bicyclette à plus de 65 000 par heure. Donc, 65 000 par heure, pensez à ça en bicyclette, ça commence à faire pas mal rapide en bicyclette. Alors, si jamais il vous arrêterait, peut-être qu'il devrait vous gagner, vous donner une médaille, hein, et puis une interview à la télévision. Alors, allez voir ça. Réellement, je ne les lirai pas toutes, là, mais c'est particulier. Et puis, ça vous met un sourire à la figure. Il n'y a pas que des nouvelles tristes dans le monde. Il y en a qui sont drôles. Il faut savoir rire de soi-même. Alors, voilà. Au niveau de la fluoration, ici au Québec, là, ça bouge pas mal. Aux États-Unis aussi, le débat continue. On connaît des victoires. Par contre, il y a beaucoup de résistance. Vous avez le système qui continue finalement, de dire que c'est bon et puis que les villes devraient fluorer à nos frais. Évidemment, on dit que c'est le gouvernement qui paie, mais le gouvernement qui paie, c'est évidemment les gens, c'est nous-mêmes. Alors, et puis la fluoration, c'est un dossier que j'ai souvent abordé ici sur l'émission. On a eu la joie d'avoir notre spécialiste aussi, Gilles Parent, qui est venu nous parler de ça à trois reprises, et puis vous allez trouver ça dans les archives. Je vous invite là instamment à aller retrouver ces archives qui sont sur la page première là de L'Autre Monde sur le site de Choc FM. Allez voir ça. Ça vaut la peine d'être entendu si vous ne l'avez pas déjà fait. pour bien comprendre l'étendue de la stupidité de la fluoration, si vous voulez, vraiment, là, c'est un truc qui est illégal contre la Charte des droits et libertés. C'est contre nos droits aussi. Réellement, là, c'est une affaire complètement débile. C'est un poison qu'on met dans l'eau, ni plus ni moins, un déchet industriel. Et on continue d'essayer de vous faire croire que ce truc-là, c'est bon pour vous. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec. C'est rendu là qu'on parle de fluorer Mont-Joli, Saguenay, Trois-Rivières. J'ai un informateur avec qui je correspond régulièrement qui m'a dit que, en fait, m'a envoyé un courriel là, disant qu'on dirait qu'il ressort tous ses projets en même temps pour pas qu'on puisse focaliser nos forces sur l'un d'entre eux. Vous savez, au Québec, si on a eu des luttes assez importantes, on a réussi à faire reculer la ville de Québec et différentes autres villes qui voulaient fleurer leur eau ou qui la fleuraient déjà. Donc, on a réussi à les faire cesser cette pratique. Alors, là, vous avez des projets qui sont redéboussérés dans une multitude de villes au Québec. Et on essaie de nous déborder, quoi. Donc, on essaie de nous faire prendre le risque de perdre sur plusieurs fronts. Et vous avez des groupes comme ça qui sont quand même assez impressionnants, qui travaillent très fort sur le niveau local, OK, au niveau local. Et puis, vous avez un groupe comme ça à Trois-Rivières qui sont vraiment impressionnants. Et c'est aussi un groupe de la ville de Saguenay-Trois-Rivières qui ont vraiment fait bouger les choses. Vous avez des gens qui sont très impliqués. D'ailleurs, je vais vous lire une lettre d'un certain Jean-François Godette et qui travaille aussi bon sur la scène là, contre la fluoration. Vous avez des gens comme Philippe Giroux qui vont devenir probablement une avant-garde de la lutte contre la fluoration. Vous devez comprendre qu'il y a différents groupes comme ça qui s'organisent, qui connaissent beaucoup de succès parce qu'évidemment, toutes les informations sont de notre côté, dans le sens que, je veux dire, il n'y a pas vraiment de. Si vous allez écouter les trois entrevues avec Gilles Parent, là, vous allez voir, il n'y a pas vraiment de doute. Il n'y a pas de place au doute, là, un coup qu'on a tous les éléments, les informations en main. C'est assez évident là qu'il y a un gros problème avec la fluoration. Ok, c'est pas une question là de vous faire croire de quoi aller faire vos recherches. Il y a énormément d'informations qui est sortie, d'informations scientifiques très crédibles. Parce que je dis c'est scientifique là que ça veut dire que c'est la vérité, mais je vous dis allez juger par vous-même, allez voir tous les éléments, les preuves. C'est une médication de masse, hein? Donc en réalité là c'est un truc qui est illégal. Et puis on commence à remporter des victoires en cours en ce moment. Au Québec on jusqu'à date les gens là de différentes coalitions vous avez différents groupes comme la coalition de Trois-Rivières pour une eau très saine vous en avez différents d'autres vous avez Gilles Parent qui travaille très fort et puis jusqu'à date en cours là, de justice on ne perd pas parce que la preuve est trop pesante est trop solide et ben, à ce moment-là on réussit à faire arrêter la fluoration de différentes villes. Donc, moi, je vous lance un appel, chers auditeurs, pour que les gens s'activent, activez-vous, et puis je vous enjoins de rejoindre la résistance dans les villes où on veut recommencer ou poursuivre la fluoration, comme à Trois-Rivières, Mont-Joli et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pourquoi pas aussi à Laval, hein, qu'il faudrait défluorer au plus rapide. Parce qu'évidemment que tant qu'on poursuit la fluoration de l'eau, eh bien, on porte une atteinte grave à la santé des gens. OK? On a besoin de personnes, on a besoin d'activistes, on a besoin de gens qui vont porter des actions, qui vont parler publiquement, qui vont appeler au conseil de ville. OK? Donc, écoutez, j'ai reçu cette excellente lettre qui, je crois, pourrait être vraiment classifiée comme étant vraiment un article à publier de Jean-François Godette. Je vais prendre la permission de la lire en espérant que M. Godette n'y voit aucune objection. S'il y en a, eh bien, je m'excuse et puis je retirerai cela. Mais je crois que l'information vaut la peine d'être passée. Et on parle de la fluoration qui est illégale. Alors, c'est vraiment le point à saisir. Vous voyez, la ville de Trois-Rivières doit maintenant se positionner sur la question de la fluoration. Et à Trois-Rivières, qui fluore l'eau potable depuis 1962, se doit de réévaluer les paramètres de cette pratique archaïque et obsolète, tant sur le plan légal, éthique que des droits humains. Au plan légal, la Cour suprême du Canada a déjà eu à se prononcer dans le cas de la municipalité de Forest Hill contre Toronto, laquelle refusait de se voir imposer la fluoration par la ville de Toronto. Le juge Rand de la Cour suprême concluait alors que la fluoration était un acte médical, une mesure de médication coercitive. Et voici ses paroles, et j'ouvre la citation. La fluoration de l'eau ne peut être regardée comme ayant pour but de fournir de l'eau pure et bienfaisante. Son but et son effet sont de forcer les habitants, qu'ils le veuillent ou non, à absorber quotidiennement de petites quantités de fluor dans l'expectative de rendre un certain nombre d'entre eux moins sujets à la carie dentaire. On se sert de l'approvisionnement d'eau comme un moyen pour ce but. Essentiellement, le règlement de la fluoration n'est pas une mesure d'approvisionnement d'eau, c'est une mesure coercitive de médication préventive. La Charte de Toronto Metropolitan ne lui permet pas d'édicter de telles mesures de médication coercitive, fin de la citation du juge de la Cour suprême. En clair, les villes canadiennes n'ont pas le pouvoir de prescrire un traitement médical coercitif forcé à sa population. En clair, c'est ce qui se passe ici au Canada. On essaye, et pas seulement qu'au Canada, mais aux États-Unis. Je crois qu'en Europe, l'opposition contre le fluorure est beaucoup plus importante et je crois que c'est interdit sur la plupart du territoire européen. Mais c'est ça qu'on fait en réalité. C'est une médication forcée de la population. Alors, je poursuis l'article de M. Godette. La fluoration de l'eau est administrée comme un traitement pharmaceutique sans diagnostic destiné à un patient inconnu dont on ignore l'historique médical, la quantité de médication qu'il va absorber et la nécessité même du médicament. Quel professionnel peut sérieusement cautionner une telle approche de la santé? Sur la question de l'efficacité du fluor contre la carie, même l'Association dentaire canadienne met un bémol là-dessus. Son ancien président, le docteur Hardy Limeback, déclare que la fluoration de l'eau potable ne devrait plus être une mesure de santé publique. Il nous met en garde, qualifiant cette pratique d'obsolète, inefficace et inutile, et voire même dangereuse. De plus en plus de chercheurs et spécialistes abondent dans ce sens, et ça, c'est effectivement un fait, chers auditeurs, de plus en plus de gens avec un curriculum vitae très solide, très crédible et surtout assez, je vous dirais, le calé et expert dans la matière, qui s'insurge de plus en plus contre cette pratique complètement débile. Réellement, disons-le, là, c'est spécial de mettre du fluorure dans l'eau parce que, comme le dit Jean-François Godette, le fluor est un poison toxique qu'il ne faut pas banaliser. Ceux qui n'ont pas lu les avis de précaution sur les tubes de pâte dentifrice devraient le faire. Et on écrit sur ces tubes « Ne pas avaler ». Les enfants de moins de 6 ans doivent utiliser une quantité de la grosseur d'un poids seulement et être supervisés lorsqu'ils se brossent les dents. Il est démontré qu'un verre d'eau fluorée contient la même quantité de fluor qu'un poids de pâte dentifrice. Il est clair qu'on ne doit pas ingurgiter l'eau fluorée. Pourtant, le directeur de la santé publique nous dit le contraire. Avaler, il n'y en a pas de problème. Avoir notre système de santé qui tombe en ruine, il ne faut pas s'étonner que les bureaucrates de la santé nous proposent une telle sottise comme moyen de prévention. Et d'autant plus que le fluor utilisé par la ville n'est pas de qualité pharmaceutique, en plus d'être un déchet industriel sous-produit de l'industrie des fertilisants, made in China, et aussi, disons-le, made in America aussi, parce que c'est des sous-produits de l'industrie de l'armement et nucléaire. Alors, vous devez être extrêmement conscient de ça. Alors, je poursuis. Le produit n'est pas testé pour son innocuité par les autorités de santé canadienne et québécoise, ni homologué par Santé Canada. Vous avez bien compris. Mais on met ça dans l'eau partout pour tout le monde. Utiliser un tel produit douteux place encore une fois la ville dans l'illégalité. Je souhaite de tout cœur que nos élus se réveillent et rejettent ce vieux dogme, cette vieille croyance qui est préjudiciable à la santé des citoyens de Trois-Rivières et des autres villes où on l'utilise. Ensuite, écoutez, je crois que c'est un appel qui est important à la population, on doit dire non à l'empoisonnement de notre eau potable par le fluor et disons oui à une eau pure et bienfaisante. C'est un mythe, cette histoire de la fluoration. Allez voir ça. Vous avez un article que je vous ai collé aussi du USA Today qui vient évidemment des États-Unis et qui a été repris aussi par Associated Press où on parle que les États-Unis ont déclaré qu'il y a trop de fluorure dans l'eau. Alors, trop de fluorure, évidemment qu'il y en a trop. Non seulement il faudrait le couper de moitié, comme l'ont fait à certaines villes, mais il faudrait vraiment là, être logique et puis le retirer au complet de l'eau. Il n'y a pas vraiment de dose saine de fluorure, OK? Donc, même en coupant les niveaux de moitié, on s'en retrouve encore avec la moitié moins. J'avais un peu un débat avec mon informateur et je disais que, ben écoutez, ça dépend comment on voit le verre, soit à moitié plein ou à moitié vide. Il y a quand même de quoi de bon qu'on a coupé de la moitié de ces doses, donc c'est déjà ça de moins. Mais en réalité, comme lui, il argumentait, c'est que les autorités se donnent une autre aura de légitimité en disant que, voyez, on a votre santé à cœur et puis on a diminué la dose, mais c'est quand même bon pour vous autres, donc on en laisse un peu. Et c'est sûr qu'il y a un certain point, mais je crois qu'en réalité, on est en train de remporter la bataille. Il faut voir la big picture, comme on dit, la vue de perspective. Et puis, je crois qu'on est dans la bonne direction. Les autorités sont en train de reculer peu à peu, se replient sur elles-mêmes et sont en train de perdre la face carrément. Mais ne cessons pas la bataille parce qu'on ne l'aura pas gagnée, effectivement, tant et aussi longtemps qu'il restera du fluorure partout dans la chaîne alimentaire, dans l'eau, dans la pâte à dentifrice et qu'on va utiliser ça dans les fertilisants. Donc, ça se retrouve aussi dans les champs, dans les rivières. Alors, c'est vraiment là, un fléau total. Alors, donc voilà, écoutez, ça en fait pas mal. Tunisie, vous savez, ça brasse pas mal en Afrique du Nord, autant en Tunisie que les autres pays autour. En Égypte, ça pourrait faire éruption assez rapidement aussi. L'Algérie, bon, écoutez, là, on parlait la semaine passée dans les nouvelles de l'économie qui était pour avoir des révoltes de plus en plus à travers la planète à cause du prix qui augmente sans cesse, là, des denrées de base comme la nourriture, le pétrole et puis le coût de la vie en général, l'inflation qui va nous rattraper tellement qu'on a imprimé de l'argent partout dans le monde, des plans de sauvetage. Et puis, vous avez des pays qui étaient sous une main dictatoriale, un peu comme en Tunisie. Et vous avez des gens qui en ont eu marre. Okay? Vous avez eu un événement, particulièrement en Tunisie, vous avez un Tunisien de 26 ans qui était complètement dans le désespoir, qui n'était pas capable de se trouver un emploi, qui était abusé par la police, qui a décidé de se mettre le feu. Alors, une immolation directement sur la place publique et qui a déclenché un effet de domino qui a mené au renversement du gouvernement. Le président slash dictateur qui a dû s'enfuir du pays. Et ceci est en train d'inspirer plusieurs autres pays. Vous savez, les révoltes se sont poursuivies aussi, autant en Grèce qu'en Islande. En Irlande aussi, ça brasse pas mal. Vous savez, d'autres pays aussi, là, comme ça, en Europe de l'Est. Je crois que c'est en Slovénie où l'année passée, on a renversé le gouvernement. Alors, de plus en plus, là, on est en train de se rendre compte là, que le grand ennemi, c'est ce fameux, entre parenthèses, gouvernement. C'est plus vraiment un gouvernement en réalité, là. C'est une structure qui a été prise de contrôle. Hein. C'est un détournement de gouvernement, si on veut. Un genre de coup d'État silencieux. Alors, c'est pas qu'on a quoi que ce soit contre le gouvernement, tant que le gouvernement représente le peuple. Sauf que ce n'est plus le cas. On se retrouve avec des gens qui pullulent ce gouvernement, qui ne représentent pas la population, mais qui représentent les intérêts privés, les intérêts des banquiers privés, les intérêts de l'establishment, de l'élite. Et puis, ben, la population semble, je crois que dans 2011, là, on va assister de plus en plus à une prise de conscience assez cinglante où on va complètement réaliser, là, comment je dirais ça en mots, c'est comme si tous les événements des années passées, tous les scandales qu'il y a eu, toutes les crises économiques, les crises à tous les différents niveaux, santé, les crises politiques, vont finalement se mettre ensemble, un peu comme les pièces du casse-tête légendaire qui vont finalement être toutes mises en place et puis les gens vont prendre conscience du monde dans lequel on vit, des vraies structures de pouvoir et puis de l'absurdité justement de ce système à broyer des humains et à déshumaniser. Et on risque d'assister à de plusieurs manifestations, espérons qu'elles ne seront pas violentes. Mais on risque d'assister à beaucoup de gouvernements ou d'entités politiques à être renversées pour être remplacées par, espérons-le, par des entités qui vont représenter réellement le peuple, des vraies entités pour la liberté et la protection des droits. la protection des humains, de la vie sur Terre au lieu de des intérêts destructeurs qui malheureusement se retrouvent tout le temps dans les structures de pouvoir au plus haut niveau. Donc, vous avez plusieurs articles là, que je vous ai mis en ligne à propos de ça, une révolution populaire, on pourrait le dire, là. Et puis vous avez même la Ligue des États arabes qui vraiment là, qui sont en train d'être témoins de soulèvements comme ça à travers toutes ces nations. Donc, oui, ça donne espoir. C'est vraiment ça réchauffe le cœur de voir ces masses arabes musulmanes. Réellement là, se mettre debout et de s'opposer à ces régimes répressifs et décadents dans le monde arabe, disons-le, vraiment les Arabes, en général, là, la population arabe et musulmane sont sous la proie de régimes vraiment très oppressifs. Et puis, écoutez, c'est triste un peu de voir ça, comme ça se passe partout là, dans les autres pays, je le dénonce, et puis ça se passe aussi dans ces fameux pays arabes, et puis il est temps que les Arabes se mettent debout, et puis réellement renversent ces régimes répressifs et décadents, et qu'on instaure des systèmes politiques qui réellement prennent soin de la population, représentent la population et protègent la population contre les... évidemment, les intérêts financiers, les intérêts privés, les intérêts destructeurs, quoi. Donc voilà, écoutez, on continue avec ça. Il y a plusieurs articles, comme je disais, il y en a un ici du New York Times. On parle aussi d'une rage des gens contre la fortune des familles qui dominent ces nations-là. Contre l'intérêt de la population. Vous avez Netanyahou qui a déclaré, lui, que les soulèvements sociaux, la crise en Tunisie risquent de créer de l'instabilité dans le Moyen-Orient. Alors, Netanyahou, lui, qui aurait besoin d'avoir un peu d'aide, là, s'il y a quelqu'un qui pourrait aller voir M. Netanyahou et puis lui apporter une carte de la région pour lui montrer là, que la Tunisie, c'est en Afrique du Nord et non pas au Moyen-Orient. Alors, ça serait très important que quelqu'un l'aide, là, parce que Netanyahou semble être un peu perdu, là. Dossier Corée du Nord, je vous ai collé aussi un paquet d'articles. Vous avez le Japon qui continue à mener des drills militaires, des exercices militaires tout autour là, de la Corée du Nord et dans la mer de la Chine. Et ça, évidemment, que ça rend très inconfortable la Corée du Nord et la Chine. Et on essaie tout le temps de provoquer la Chine via la Corée du Nord. Donc là, la Chine, c'est un peu levé debout et mis le pied à terre en disant, écoutez, là, arrêtez, là, parce que là, vous commencez à nous énerver légèrement. Vous savez, la Chine, d'ailleurs, qui, je crois, il y a 2 semaines, a testé des nouveaux avions très avancés au niveau technologique, là, on appelle ça des stealth fighters en anglais, donc des avions militaires extrêmement... extrêmement avancé au niveau technologique, là. Et puis ça commence à inquiéter évidemment les pouvoirs occidentaux. Maintenant, vous avez des nouvelles qui sont sorties cette semaine et qui font effet que la Chine a maintenant déplacé des troupes à la frontière de la Corée du Nord et aussi même à l'intérieur de la Corée du Nord. Donc, vous voyez là que la Chine vient probablement de mettre un fin à ces tactiques là de provocation là, que le Japon et les États-Unis se prêtent autour de la Corée du Nord. Ça, c'est assez particulier. Vous allez voir là que ça va probablement calmer le jeu un peu parce que là, ça veut dire que si les États-Unis ou la Corée du Sud attaquent la Corée du Nord, eh bien là, ça veut dire qu'on s'attaque directement à la Chine. Alors, ça, c'est une autre histoire. Vous avez la Russie aussi qui ont appelé publiquement à ce que les exercices militaires des Américains cessent, alors cesser les provocations carrément. Alors, vous voyez là, vous avez la Russie et la Chine d'un côté, et vous avez au milieu la Corée du Nord, et de l'autre côté, vous avez le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Donc, ça, c'est la photo de ce qui se passe, OK? Et puis là, vous avez, comme je disais, la Chine qui a décidé de stationner des troupes en Corée du Nord, selon des articles qui sont sortis, dont AFP. C'est tout pour le dossier de la Corée du Nord. Ensuite, la TSA aux États-Unis, c'est l'agence de sécurité dans les aéroports. On en a beaucoup parlé ici avec les scanners corporels pornographiques. Hein? Donc, on vous fait passer à travers ça, on vous voit complètement tout nu, en plus de vous irradier avec des doses de radiation qui, à long terme, peut dissiper ou endommager votre chaîne d'ADN et vous causer le cancer. Hein, mais ça, c'est pour votre sécurité, parce que Bin Laden, lui, est partout, hein, et puis il y a des terroristes partout, partout, partout, et puis c'est super dangereux. Je veux dire, hey, vous avez moins de chances de mourir d'une attaque terroriste que d'être frappé par la foudre, mais ça, écoutez, c'est pas grave, ça. Je veux dire, la logique, là, c'est pas important, là, dans le fond, là. Qu'on dépense des milliards de dollars, qu'on brime vos droits et libertés, vos droits à la vie privée dans les aéroports, et si vous refusez les scanners corporels, là, on passe avec la fouille manuelle, on vous touche par tout le corps, on tâte vos enfants comme ça, on les palpe un peu partout, on enlève les t-shirts des petits bambins là, de 7-8 ans parce qu'ils pourraient cacher des bombes. Ça, c'est nécessaire. Ça, c'est nécessaire. Okay? Donc, fermez votre gueule et puis devenez des esclaves obéissants. Et puis, si vous refusez ça, vous ferez comme des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de personnes qui ont décidé d'arrêter de voyager ou vers ces pays comme les États-Unis où réellement, là, on dépasse toutes les bornes, disons-le, alors qu'il y a d'autres solutions de sécurité qui sont plus efficaces, comme les chiens senteurs de bombes qui coûtent infiniment moins cher et qui ne portent aucune atteinte à vos droits et libertés et à la vie privée, et qui sont quasiment certains, là, qui sont quasiment une mesure de sécurité, là, sécuritaire à 100%, quoi, là, réellement, là, alors que vous avez plusieurs experts, là, vraiment des top experts en sécurité, dont des agents qui ont travaillé en Israël et puis vraiment qui sont sortis sur la place publique disant que ces scanners-là ne sont pas vraiment sécuritaires. Vous avez même Napolitano aux États-Unis qui a admis que les scanners dans les aéroports ne fonctionnent pas réellement, que le seul bénéfice qu'ils ont sont d'épeurer les terroristes. Alors, imaginez, c'est incroyable. On a même admis maintenant que ces scanners-là ne servent pas vraiment à de quoi, là. Ça, c'est important. Aller voir Napolitano, qui est responsable de la structure, là, je crois que c'est du Homeland Security, ou est impliqué là, dans la sécurité aux États-Unis au très haut niveau, là. Donc, ça ne vient pas là, de la bouche là, d'un petit Joe Blow inconnu, OK? Ensuite, vous avez un travailleur là, qui travaille justement pour la TSA, lui qui a réussi à éviter la prison après avoir volé un laptop, alors un ordinateur, à un voyageur. Alors, imaginez. C'est comme ça que ça se passe. La TSA qui a pris des photocopies, des cartes de crédit d'un homme et puis d'autres documents personnels. Vous avez une vidéo de ça. Vous avez la TSA qui confisque plusieurs objets, les revend sur eBay. Hein? Donc, pour vous donner un exemple de comment ces gens-là sont vraiment éthiques et morales. Donc, ces gens-là volent vos trucs et après ça, les revendent sur eBay. Puis là, vous avez maintenant la TSA qui vole les informations de cartes de crédit. Alors, est-ce que ça va être vendu aussi sur eBay? Un dossier à suivre. Là, vous avez la TSC aussi maintenant qui force ceux qui ne veulent pas passer à travers les scanners, hein, de le faire maintenant. Donc, on est en train de finalement brimer carrément là, vos droits. On va forcer les gens à passer au travers ces machines-là. Peut-être la meilleure solution, c'est d'arrêter, là, tout simplement de voyager vers les États-Unis. Vous avez une cour qui a porté un jugement qui permet au gouvernement de garder secrètes les images de scanner, alors les images de votre femme ou de votre mari à poil ou de vos enfants. Alors voilà, donc le Homeland Security qui a été permis de garder les images qui ont été produites par les scanners X-ray au rayon X. Donc, une autre affaire. Ensuite, aux États-Unis, vous en avez parlé, puis là, c'est en train de prendre forme, c'est que là, on est en train de discuter de porter toute cet état de sécurité jusqu'au prochain niveau. Alors, on veut pousser ça plus loin. Maintenant, on est en train on en parle ouvertement aux États-Unis, là, OK, vous avez la TSA, là, la tête là, de la TSA, John Pistol, qui a raconté, lui, au USA Today, qui voudrait que la TSA, maintenant, soit aussi déployée un peu partout sur le territoire des États-Unis. Alors, on voudrait avoir des travailleurs, des agents de sécurité de la TSA dans tous les aéroports aux États-Unis, mais non seulement ça, aussi les avoir dans les centres d'achat, dans les lieux publics, les stades, okay, de baseball et de football, et aussi dans les stations de train, les stations d'autobus. Alors, voyez, donc, c'est vraiment spécial. On a même instauré comme ça des checkpoints à Tampa Bay, en Floride, qu'on ne peut pas refuser. Alors, c'est assez spécial aussi, là. Donc, vous ne pouvez pas refuser des no refusal checkpoints. Alors, imaginez, c'est assez particulier, là. Alors, vous avez, même si vous refusez, là, le test, là, de souffler dans la balloune pour l'alcool, un juge est sur le site et puis peut décerner un mandat d'arrêt permettant à la police là, de faire un test de sang directement sur le spot. Alors, ça, c'est un peu, là, vous voyez, là, la dictature est en train de prendre forme aux États-Unis. On veut même installer de la sécurité du Homeland Security dans les hôtels, dans les centres d'achat. Alors, ça va être déployé à peu près partout, finalement, hein? Alors, vous voyez que finalement, on utilise l'excuse du terrorisme partout aux États-Unis pour déployer ces mesures qui sont réellement là, liberticides et totalitaires. Donc, vous avez certains aéroports qui commencent à halluciner aussi, là, se rendre compte que ça, c'est une débilité profonde. Et puis, vous avez différents aéroports aux États-Unis, comme la San Francisco International Airport, qui sont en train de considérer la résiliation de leur contrat de sécurité avec la TSA pour engager une autre compagnie, parce que là, eux autres, là, commencent à aller trop loin. Puis vous avez d'autres aéroports comme le Metropolitan Washington Airport Authority qui gère le Dulles International et Reagan National Airports. Ils sont en train d'étudier l'option aussi de laisser tomber la TSA et puis s'en aller avec une autre compagnie de sécurité. Vous avez des scientifiques de Los Alamos, du laboratoire là, de Los Alamos, qui ont publié un article disant que les scanners de la TSA peuvent déchirer l'ADN humain. Okay? Donc, vous avez la présence de champs en terahertz qui peuvent dissiper, là, déchirer votre ADN. Alors, vraiment des très bonnes nouvelles. Hein? Tout ça pour votre sécurité. Hein? C'est fantastique. Vous avez aussi un professeur qui s'appelle Peter Rez en physique de l'Université de l'État d'Arizona qui lui dit qu'on a à peu près les mêmes chances de développer un cancer avec les scanners de la TSA que d'être explosé dans les airs par des terroristes. Alors, finalement, c'est soit vous choisissez pour un cancer ou ben non pour être victime d'un attentat dans les airs. Alors, décidez. Alors, voyez vraiment, là, donc, pour combattre un risque, on vous fait suivre, on ferait subir un autre risque qui est aussi grand. Alors, n'est-ce pas incroyable? Risque de mort. Donc, ça a été rapporté par MSNBC. Vous avez des groupes de scientifiques de l'Université de Californie à San Francisco qui, eux aussi, ont écrit une lettre à la US Food and Drug Administration, la FDA, mettant en lumière, là, justement, les effets potentiels des rayons X concentrés sur la peau qui peuvent causer un problème de santé, particulièrement pour les enfants qui sont plus vulnérables et les personnes qui ont le sida ou le HIV. Donc, des effets sur la santé, des conséquences qui sont vraiment très néfastes et qui demandent à être étudiées de façon plus rigoureuse alors qu'on fait subir ces trucs-là. Vous avez environ à peu près 10 000 de ces images d'enfants nus. Donc, on parle de pornographie infantile qui sont sur les ordinateurs d'un ancien travailleur de la TSA. Alors, on a retrouvé ça, imaginez. C'est assez spécial, ça. Vous avez aussi une réponse des États-Unis qui a été portée, parce que là, vous voyez là, justement le déclin des voyageurs qui se dirigent aux États-Unis. Très important déclin. Alors, pour répondre à ça, les États-Unis, au lieu de faire cesser ces pratiques complètement débiles-là, ont décidé de partir une campagne de publicité pour essayer d'essayer de vous finalement de vous convaincre là, que c'est bon pour vous, qu'il n'y a aucun problème. Alors, on essaie de vous vendre tout le concept. C'est vraiment particulier. Et avant la pause, ben écoutez, un dossier très particulier. On parle de la Palestine qui se fait reconnaître par une multitude de pays à travers la planète, ce qui est très, très intéressant. Développement particulièrement frappant ces dernières semaines. Vous avez la Russie, le président Medvedev, qui a décidé de soutenir l'indépendance de la Palestine. On a déclaré que, en fait, Moscou a reconnu l'indépendance en 1988 et n'a pas changé sa position depuis. Ensuite, vous avez Israël qui s'est dit concerné, là, vraiment inquiété un peu par la décision de la Russie de reconnaître l'État palestinien. Vous avez le Brésil qui a juste reconnu le président selon les limites de 1967, les frontières pré-1967. Ça, c'est le président Lula da Silva qui a reconnu l'État palestinien. Ensuite, vous avez la Norvège qui a déclaré vouloir être la première nation européenne à reconnaître la Palestine. Vous avez le Brésil qui ont donné même une partie de leur en fait, une partie de territoire pour que la Palestine puisse y construire son ambassade. Alors, ça aussi, c'est un développement vraiment particulier. Et puis, ben, vous avez les autorités palestiniennes, le Mahmoud Abbas, qui va se rendre au Brésil pour déposer la première pierre, qui va construire la première ambassade de la Palestine au Brésil. Alors, vraiment très, très intéressant de voir ça. Vous voyez que le respect mondial pour les États-Unis a complètement disparu. Et parce que vous savez, les États-Unis, eux autres, là, supportent Tel Aviv de façon farouche et puis refusent de reconnaître la Palestine et l'État palestinien, surtout son indépendance, tout comme Israël l'a fait. Alors, Israël a le droit de le faire, mais pas la Palestine. Complètement double standard, à l'os, aucune logique là-dedans. Vous avez la Guyane qui a reconnu l'État palestinien, la Bolivie qui en a fait autant, l'Équateur qui a reconnu l'État palestinien, le Paraguay qui a reconnu l'État palestinien en 2011. Vous voyez, ça déboule là. Le Chili a reconnu l'État palestinien indépendant. Une autre nouvelle ici d'Israël qui regrette la décision du Chili de reconnaître l'État palestinien comme un pays. Alors, Israël là, qui commence à paniquer beaucoup. Puis là, vous avez Livni qui a rencontré les autorités en Norvège et qui a condamné justement la reconnaissance là, de l'État palestinien indépendant. C'est ce qui est quand même encore là une ironie complètement délicieuse ici quand on voit que Israël, c'est exactement ce qu'a fait Israël en déclarant unilatéralement l'établissement de sa nation, quoi. Donc voilà le double standard que je dénonce ici, c'est que si on permet à Israël de déclarer son indépendance et d'être un État, ben pourquoi pas la Palestine, n'est-ce pas? Réellement, c'est un illogisme total. Donc vous avez un ministre israélien qui, lui, a déclaré que le gouvernement palestinien est illégitime. Alors, là, on essaye de délégitimiser toute cette histoire-là. Vous avez même la Chambre américaine, là, au Congrès, qui ont passé une loi anti-Palestine. Alors, on veut soutenir vraiment coûte que coûte l'État palestinien. Et vous voyez que réellement, là, il n'y a pas de lueur de leur côté là, d'entente de paix pour en parvenir là, vraiment à un cesser les hostilités, si vous voulez. Réellement, c'est débile. Et puis là, en réalité, on va essayer de couvrir toute cette initiative-là et puis de partir des conflits pour faire oublier toute cette histoire. Et puis là, ben, vous avez une multitude là, de nouvelles ici que je vous ai mis en lien où vous allez voir là, que. Vous avez Israël qui risque de lancer une nouvelle offensive majeure contre Gaza et possiblement même le Liban pour essayer de faire oublier cette histoire d'une multitude de pays qui reconnaissent l'État palestinien dans les frontières pré-1967. Donc, vous avez l'État israélien qui a démoli plusieurs maisons et puis même des classes d'école dans un village de la bande Pan-Jordanie, en Cisjordanie. Et puis, vous avez l'Agence des Nations Unies qui a condamné la démolition de maisons arabes à Jérusalem. Alors, ça aussi, ça poursuit la démolition de maisons. Ce n'est pas un autre pays au monde qui fait ça. C'est débile. Vous avez l'armée israélienne qui s'est massée le long de la frontière à Gaza. Israël se prépare à une offensive majeure contre Gaza. Alors, vous avez différents articles là, qui parlent de ça. Israël, ici, qui planifie de nouvelles attaques contre Gaza. Le premier ministre qui avertit de nouvelles offensives contre Gaza. Alors, ça, vous voyez tous les titres d'articles, là. Je veux dire, on prépare la population. Hein. Israël, là, vraiment se prépare. Alors, on ne publie pas autant de nouvelles comme ça, hein, si on ne se prépare pas réellement, là, à partir cette offensive. Et puis, vous avez déjà des escarmouches qui sont débutées. Israël qui dit vouloir utiliser tous les moyens dans la prochaine guerre contre Gaza. Alors, on ne va pas s'arrêter absolument à rien. On va y aller, on va écraser. Et puis là, ben, vous avez Israël qui a commencé à lancer des attaques par hélicoptère, les chars d'assaut qui ont envahi différents endroits là, de la bande de Gaza. On a eu évidemment des victimes qui ont été causées là-dedans, même des adolescents. Le Hamas qui ont accusé Israël d'avoir fait entrer des chars d'assaut dans la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza. Des attaques aériennes aussi qui ont tué des Palestiniens. Vous avez plusieurs articles à ce niveau-là. Donc, les tensions qui commencent aussi à augmenter dans les camps de réfugiés. Vous avez Israël qui a attaqué là-bas. Donc, vous allez trouver plusieurs articles à cet effet-là. Publié sur Cyberpresse qui s'appelle La Grande-Bretagne craignait qu'Israël utilise l'arme atomique. Alors, ça a été relayé aussi par Agence France-Presse. C'est effectivement une composante qu'on doit tout le temps avoir à la tête aussi, c'est qu'on voit réellement un État, une force nucléaire s'opposer à un peuple palestinien qui se bat avec des roquettes faites de bouts de tuyaux de plomberie, avec des lance-poids et puis des roches. Alors, c'est vraiment là, encore là, un combat, un conflit armé qui est complètement disproportionné. Et ça continue toujours. Alors, un article assez intéressant à aller voir, là, vous allez comprendre que les diplomates britanniques craignaient en 1980 que, sous le gouvernement de Margaret Thatcher, qu'Israël n'utilise la bombe atomique en cas de conflit avec ses voisins arabes, selon des télégrammes diplomatiques rendus publics jeudi de la semaine passée, après la levée du secret de la défense. Ces documents, qui comprennent des télégrammes de l'ambassade britannique à Tel Aviv, montrent qu'en dépit de la paix signée avec l'Égypte l'année précédente, les diplomates britanniques étaient inquiets d'un éventuel usage de l'arme atomique par Israël. Alors, vous voyez que vous avez l'article qui est en lien, allez voir ça. Donc, c'est un fait, ça fait longtemps qu'on le sait, là, c'est juste une politique, une fausse politique d'ambiguïté nucléaire, mais en réalité, là, ça fait très longtemps, là, que les États du monde savent que Israël possède une bombe nucléaire. Alors, réellement, là, vous comprenez un peu, là, la démesure entre Israël et puis ses voisins. Côté du Liban, ben, vous avez toute une histoire aussi. Là, vous avez la pression américaine qui a fait en sorte qu'on a eu un effondrement du gouvernement libanais. Washington qui a fait plusieurs mentions très claires là, qu'il verrait le Hezbollah, une coalition menée par le Hezbollah, assumant le pouvoir au Liban comme étant une menace directe à ses intérêts stratégiques dans la région et qu'il répondrait avec des campagnes de déstabilisation concertées. Ce n'est tout simplement une agression militaire. Alors, il apparaît que l'administration américaine essaie de compter sur le fait que Al-Hariri ne sera pas capable, en fait, serait capable de maintenir son pouvoir indéfiniment comme un premier ministre et il prendrait soin du gouvernement. Alors, écoutez, l'armée militaire israélienne a annoncé de son côté qu'elle a placé ses forces sur la frontière libanaise sur un pied d'état d'alerte élevé. Alors, vous voyez que s'il y a encore une provocation qui viendrait d'Israël à la frontière nord avec le Liban, cela signifierait probablement que ça ne viendrait pas du Hezbollah. Alors, faites attention si on a une fausse attaque terroriste, encore un false flag attack apparemment du Hezbollah, alors que ça pourrait très bien simulé par l'armée israélienne pour se donner une justification de prendre sa revanche. Hein. Vous savez que le Hezbollah avait humilié l'armée israélienne il y a quelques années, et puis ça fait longtemps qu'on veut prendre sa revanche. Alors, allez voir ça. Vous allez voir aussi plusieurs articles qui parlent d'incursions israéliennes dans le territoire libanais, autant au sol que dans l'espace aérien. On parle dans un autre article ici d'un coup d'État israélien-américain contre le gouvernement libanais. Alors, un article qui met en cause la participation et la pression que les États-Unis puis Israël ont fait pour dérailler et entraîner un changement de régime au Liban, qui serait probablement suivi par une invasion israélienne au Liban. On dit probablement parce qu'on a plusieurs indices, vous allez voir ça. Dans la série d'articles que je vais vous mettre là, sur les nouvelles internationales, qu'il y a beaucoup d'incursions qui se font et de provocations qui se font à la frontière pour essayer de provoquer une guerre contre les Libans. Bon, alors voilà. Alors, vous allez voir ça, plusieurs articles. Le Liban qui, selon la Ligue arabe, des Nations arabes, on dit que le Liban serait à risque d'une guerre civile. On a 14 avions israéliens de l'armée, OK, qui ont envahi l'espace aérien du Liban. Ça aussi, c'est une violation directe de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Ensuite, vous avez le ministre des Affaires étrangères libanais, Ali Chami, qui, lui aussi, a mis à jour, écoutez, dans un journal du Koweït, qu'Israël avait commis 7 000 violations du territoire, de la souveraineté du Liban en 2010. Imaginez, c'est quand même énorme, là, 7 000 violations israéliennes du territoire libanais. Ça aussi, là, ça vous donne un peu une idée, là, de la situation de qui provoque et puis qui commet des actes illégaux, même avec les lois internationales, sans cesse et constamment. Donc, allez voir ça. Un autre article ici qui documente 6 avions militaires israéliens qui ont envahi l'espace aérien libanais. Ensuite, vous avez un autre article qui parle de troupes israéliennes qui ont traversé la frontière au Liban de façon complètement illégale en violation de la souveraineté du Liban. Donc, vous voyez là des exemples, il y en a en masse. Ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe là-bas. Ça va être à surveiller. Il y a effectivement des mouvements qui se font. On essaie de provoquer une guerre. Et puis après ça, on va blâmer qui? On va blâmer Gaza, on va blâmer le Liban, alors que les vrais provocateurs se trouvent plutôt en terre israélienne. Et disons que le gouvernement américain ne facilite pas les choses pour la paix, ça c'est certain, en appuyant Israël, en l'armant et puis en finançant son armée à l'ordre de milliards de dollars à chaque année. Vous avez des troupes qui ont ouvert le feu au Liban. Un autre article ici, donc c'est proche des fermes de Sheba. Ça, c'est à la frontière du Liban, de la Syrie, dans les territoires occupés palestiniens. Des avions aériens, OK, encore là, des attaques aériennes. Pas des attaques aériennes, mais une invasion de l'espace aérien. Ensuite, vous avez Israël qui a menacé le Liban de guerre. Alors, vous avez un autre article ici de Stephen Ledman, très intéressant, très solide, le monsieur. D'autant plus que, si je me rappelle bien, il est juif lui-même. Alors, voilà. Des gens qui ont une honnêteté intellectuelle qui vaut la peine d'être lu, qui vaut la peine d'être connu. Alors, Stephen Landman, allez voir ça. Un article s'appelle « Israeli threatens war with Lebanon ». Alors, vous allez trouver ça dans la section du Liban. Vous avez Israël qui voudrait bien prendre possession d'une tranche d'environ 26 à 30 kilomètres là, à la frontière et la rivière de Litanie. Alors, on aimerait ça utiliser l'eau libanaise pour ses propres besoins. Ça fait longtemps qu'Israël essaie de conquérir cette partie de territoire pour mettre la main sur l'eau potable de la rivière Litanie. Donc, ça, c'est détaillé dans l'article en détail. Ensuite, on a des troupes israéliennes. Ça a été rapporté par AFP. Alors, vous voyez les sources, là, il n'y a pas de oui-dire là-dedans ou de rumeurs. Là, c'est vraiment rapporté dans les grands médias où on a des Israéliens, des soldats israéliens qui ont tiré au-dessus de la tête de certaines personnes là-bas, de soldats libanais, puis les Libanais n'ont pas répliqué. Alors, vous voyez encore là qui est en disgrâce là-dedans. Ensuite, écoutez, allez voir ça, il y en a plusieurs, là, réellement, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles d'invasion comme ça, provocation d'une sorte ou d'une autre, on a même des photos de ça, allez voir ça, on a essayé des provocations les derniers mois, j'en ai mis plusieurs exemples de ça. Vous avez ici un article du Ynet News qui est issu en Israël, donc ça vient même du territoire de l'Israël, où on apprend que dans un rapport, l'armée israélienne se préparait justement à entrer en guerre, à provoquer un autre conflit contre le Liban. Vous avez aussi les forces navales israéliennes qui ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche libanais. Alors, il y en a des exemples, là, OK? Donc, allez voir ça. Ça fait partie de l'actualité, puis c'est un des points chauds qui risque d'exploser encore d'ici les prochaines semaines, malheureusement. Donc, peut-être qu'en faisant monter la conscience mondiale à propos de ça, on va peut-être pouvoir arrêter un autre conflit et puis une tuerie inutile. Donc, voilà. Donc, pour terminer, les dernières nouvelles de l'actualité, vous avez des nouvelles au niveau de l'espace. Alors, 30 ans après qu'on a envoyé Viking sur la planète Mars, la NASA avait envoyé des gens de petits véhicules là, qui sont dirigés à distance. Et puis, on avait envoyé un de ces bidules sur la planète Mars il y a environ 30 ans. Et on avait, à ce moment-là, déclaré qu'on n'avait pas trouvé aucune évidence de matériel organique sur Mars. Alors, on a fait différents tests là, pour résumer ça très rapidement. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait commis des erreurs et puis qu'en réalité, on a bel et bien découvert des éléments organiques sur Mars. Alors, il y a de la vie sur Mars, d'une façon ou d'une autre, où il y en a eu. Donc, ça aussi, là, c'est une nouvelle assez importante. Et vous avez la Chine qui se prépare à lancer un de ses bidules exploratoires vers Mars, probablement à l'année 2013. Alors, c'est ce qu'ils visent. Et on voit de plus en plus la Chine prendre sa place au niveau de l'exploration spatiale. Donc, voilà pour les nouvelles de l'actualité. Vous avez peut-être différentes. Ok, ouais, ben oui, je vais vous laisser ça avant de partir. Des nouvelles sources aux États-Unis. On a trouvé des sources de tritium, des fuites qui viennent des centres de production d'électricité nucléaire. Ok. Alors, ça aussi, on dit que c'est totalement sécuritaire, il n'y a aucun problème. Donc, on devrait construire même plus de centrales nucléaires. Et on retrouve continuellement et constamment, encore une fois, des fuites de produits chimiques et aussi de produits qui sont radioactifs dans la nature. Et on a de la misère, finalement, là, à garder ça sous contrôle. Et puis, un coup que c'est rendu dans la nature, ben, essayez d'aller récupérer ça. Bonne chance, les amis. Vous avez une vidéo super intéressante qui a été faite par un japonais, un artiste japonais qui s'appelle Isao Hashimoto, qui a créé vraiment là, une très belle vidéo et qui montre au cours de 1945 jusqu'en 1998 les 2053 explosions nucléaires qui ont eu lieu durant toutes ces années, qui ont commencé avec le projet de Los Alamos, le Manhattan Project Trinity, et qui s'est conclu avec les tests nucléaires au mois de mai 1998. Donc, c'est triste, mais c'est ça, on a parlé du nucléaire la semaine passée, et il y a des très bonnes raisons de s'en faire et puis d'être inquiet à propos de cette affaire-là. Les centrales vieillissent, on n'investit pas assez d'argent pour les maintenir en bon ordre, et finalement, on se promène avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête sans cesse, avec une menace, un Tchernobyl potentiel qui pourrait exploser autant en Europe qu'en Amérique. Et en Asie aussi, donc c'est un dossier chaud là, qui continue là, à avoir sa place, qui devrait en tout cas avoir sa place dans l'actualité. Et vous avez aussi le problème des déchets nucléaires qui s'accumulent et il n'y a aucun plan vraiment pour en disposer de façon propre et définitive. Alors on a des milliers, des dizaines de milliers de tonnes de matériel, en fait de résidus si vous voulez, radioactifs, qui s'empilent partout dans nos nations et qui sont finalement des héritages qu'on va léguer aux générations futures pendant des milliers d'années. C'est pas tout simplement des centaines ou des millions d'années même. Des centaines de milliers ou des millions d'années. Donc c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Dernier tronçon. Alors, on va parler des changements climatiques, ces fameux changements climatiques naturels. Et maintenant, on a changé l'appellation du fameux réchauffement climatique causé par l'homme, donc par le CO2. On essaie de changer l'étiquette parce que là, ça ne fonctionne plus, étant donné que là, on se retrouve en face d'un refroidissement climatique qui est maintenant admis par même les autorités. Les autorités du GIEC et puis de Phil Jones, l'ancien directeur de l'unité sur les recherches climatiques de l'Université de East Anglia, sur laquelle se base beaucoup le GIEC pour faire ces fameuses précisions, disons, inexactes du climat et de la température à venir. Et puis leurs prédictions jusqu'à date sont tous tombées à l'eau. Écoutez, là, il y a des nouvelles qui sont sorties ces dernières semaines qui viennent vraiment confirmer ce que je disais depuis des années, que toute cette histoire n'est que des mensonges, qu'une façon de pouvoir trouver un moyen de mieux contrôler vos vies, de vous taxer, de faire de l'argent. C'est un peu comme ce marché des produits dérivés, hein? Donc ce fameux papier commercial bancaire et non bancaire, bon, les fameux casinos mondiaux, ok, donc où on a perdu des sommes incroyables qui sont aussi à l'origine de la crise qu'on vit en ce moment. Donc, on essaie de créer une nouvelle bulle avec ces fameuses taxes et puis ces frais sur le CO2. Et puis là, écoutez, vous avez un article ici tellement important, là, ça a été publié sur le site même de Europol, ok, donc vous voyez, là, on ne va pas chercher ça sur des sites de conspirationnistes ou de rumeurs ou quoi que ce soit, là, ça vient du site même de Europol. Okay, donc, vous avez Europol qui ont arrêté plus de 100 personnes dans une fraude sur les échanges de carbone Donc, vous avez environ là, 5 milliards d'euros en dommages qui ont été causés aux pairs de taxes européens. Massive fraude impliquant des réseaux de criminels allant jusqu'au Moyen-Orient. Donc, vous avez plus de preuves encore que ces échanges de CO2, ces certificats sur les émissions de CO2 sont criblés de fraude et puis a tendance à attirer des organisations criminelles qui finalement coûtent, écoutez, là, des fortunes aux consommateurs et puis aux payeurs de taxes. On parle de des milliards de dollars ici. Vous avez le journal en ligne là, sur Internet qui vient de l'Australie, de l'Autriche, OK? Donc, ça s'appelle le Zeitung, qui rapporte que Europol a fait des descentes dans des organisations où on élaborait justement des programmes d'échange d'émissions de CO2. En Italie, on a arrêté plus de 100 personnes. Le Klein Zeitung a écrit que, en fait, les dommages courent juste dans les milliards de dollars, en fait, les milliards d'euros. Et puis, selon l'Europol, vous avez les autorités de taxation en Italie dirigées par le prosecuteur à Milan, à l'office de Milan, qui ont fait des descentes dans plus de 150 compagnies en Italie. Alors, vous voyez que c'est de quelque chose là, qui est vraiment très répandu. La fraude inclut aussi l'évasion de taxes, l'évasion de taxes de plus-value sur le CO2, les certificats. Vous avez plus de 100 personnes, comme je disais, qui ont été arrêtées dans ces crimes-là, qui pourraient aussi impliquer les réseaux de crimes organisés. Alors, voyez, là, on a affaire à une mafia, c'est pas plus compliqué. Vous avez différents rapports aussi dans différents pays. On parle ici, là, écoutez, c'est une fraude qui s'étend sur plusieurs pays. On parle de la Norvège, la Suisse. D'autres pays comme la Belgique, la République tchèque, le Danemark, Latvia, vous avez la Hollande, la République slovaque et le Portugal qui sont parmi les pays qui sont en train d'essayer d'identifier des réseaux de criminels qui sont derrière cette massive fraude sur le CO2, une fraude qui a des liens, comme je vous disais, à des réseaux de criminels qui opèrent même aussi à l'extérieur de l'Union européenne, jusque sur d'autres continents comme au Moyen-Orient. Et on nomme pas les pays au Moyen-Orient. Alors, je pense pas que ce soit la Palestine qui soit impliquée là-dedans, là, réellement. Là, pensez à ça 2 secondes. On a plus de 2 500 enquêteurs qui sont en train d'essayer d'identifier ces criminels. Alors, 2 500 enquêteurs, vous voyez que ça commence à faire pas mal de fraudes, cela, là. C'est une fraude qui s'est répandue à partir de la science maintenant jusqu'à la sphère financière. Et ben, écoutez, là, allez voir ça, ce rapport-là, sur le site même d'Europol. Okay, donc, vous allez voir que ça fait au-dessus de presque 2 ans qu'on suit ce dossier-là. Ça a commencé au mois de juin 2009, où on a trouvé justement des organisations qui fraudaient le gouvernement avec des taxes de plus-value qui ont été qui ont été carrément le fraudées. Alors, ça, c'est une nouvelle. Vous avez un autre ici du Danemark qui, lui, a payer plus de 2% de son PIB en taxes de crédit, OK, de crédit sur le carbone, sur les échanges de carbone. Alors, on parle ici là, de l'équivalent de 7 milliards de dollars américains. Donc, c'est les autorités de taxation danoises qui se sont fait voler par des scandales comme ça d'échanges de carbone qui finalement ont fait disparaître cet argent-là. Alors, vous avez le Danemark qui a payé plus de 2% de son PIB en une année, en l'équivalent de 7 milliards de dollars. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont eu en échange contre ces crédits de carbone? Absolument rien. Okay? Donc, vous voyez que c'est une fraude totale. Il faut arrêter ces gens-là. C'est des criminels. Ces gens-là ont besoin d'aller en prison. Ça vous montre aussi que toute cette histoire-là, c'est une grande fraude. Vous avez aussi un autre article assez incroyable où on dit que il faudrait imposer aux gens des taxes. Il faudrait que les gens payent des taxes sur leur enfant s'ils ont trop d'enfants. Alors, on est en train de dire ici là, que chaque famille devrait avoir un certain nombre défini d'enfants et que si on va au-dessus de ça, les gens devraient payer des taxes sur le carbone pour financer la plantation, si vous voulez, de nouveaux arbres pour essayer de compenser la quantité de carbone qui va être générée par ces nouveaux humains. Alors, voyez ici là, la philosophie, la mentalité de ces gens-là. Ça fait longtemps que je vous en parle. Plusieurs personnes encore des fois sont trop bouchés pour comprendre que c'est vraiment cette histoire de contrôle de la population mondiale qui est derrière ça. On essaie de blâmer l'humain. Donc, étant donné que l'humain est le problème central, ben la solution, c'est d'éliminer ces humains-là. Ça paraît complètement déluré pour certaines personnes de dire ça, puis ils vont décrocher juste en entendant ça. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, si l'histoire était différente, je vous conterais une autre histoire, là. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que c'est documenté, même avec leurs citations même, leurs écrits, que la plupart des gens qui sont derrière ça, les Ted Turner, les Gates, les Al Gore, les Maurice Strong, les Gorbatchev, vous avez toute une clique qui sont derrière ça. Et puis ces gens-là sont tous des eugénistes, ou en grande partie des eugénistes, des gens qui aimeraient, on parle d'eugénisme ici négatif, c'est-à-dire d'éliminer une grande partie de la population mondiale parce qu'apparemment qu'on est le problème. On est en train ici de suggérer que maintenant, pour avoir des enfants, plus d'enfants qu'un ou deux enfants, il faudrait payer des taxes, on pourrait payer jusqu'à 5 000 $. Jusqu'à 5 000 $ américains là, pour chaque tête, pour chaque enfant de plus qu'on a, qu'un certain nombre est permis. Et jusqu'à 800 $ par année après, imaginez, là, donc à chaque année, vous auriez une taxe à payer parce que vous avez, par exemple, 3 enfants. Alors, on est en train de parler de ça, là, OK? Ça vient des gens qui font partie, là, vous voyez, c'est l'Université d'Adélaïde. Ça, c'est un article qui a été publié par le professeur David Shearman. Okay, c'est des gens qui sont proches du GIEC. Et vous avez le professeur Shearman qui a aussi un article sur son site web et le site web de l'organisation Doctors for the Environment Australia, duquel il est président. Et on est en train aussi de parler que justement, l'idéal de modification des comportements poursuivis par les activistes contre le global warming, donc le réchauffement climatique, est largement enrayé, si vous voulez, par le fait que la génération actuelle est élevée dans une démocratie libérale et que ça ne fit pas, ça ne cadre pas avec leur idéal de contrôle de la population. Alors, vous allez trouver des articles aussi où on suggère carrément d'enrayer la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie ne cadre plus avec leur idéal, eux autres, là, de contrôle de la population, c'est-à-dire que on est rendu à un point, selon eux, où il faudrait abolir la liberté et la démocratie dans nos pays pour pouvoir sauver la planète. Okay? Alors, donc, un premier pas, selon ce professeur Sherman, ce serait de persuader les gouvernements du monde de faire en sorte qu'on rende illégal le droit d'avoir plusieurs enfants, okay, comme étant une partie essentielle, absolument essentielle pour combattre le réchauffement climatique. Ça a d'ailleurs été aussi cité dans une lettre qui a été envoyée au Medical Journal of Australia, qui, elle, notait que chaque enfant qui est né en Australie représente une source potentielle de gaz à effet de serre et que des émissions vont être produites pour une moyenne de 80 années. Non seulement qu'en respirant, imaginez, parce que respirer maintenant, c'est un problème pour eux autres, des êtres humains qui respirent, là, c'est pas bon. Mais aussi en entraînant une consommation de ressources typiques de notre société. Alors, voyez un peu la mentalité de ces gens-là. Vous avez aussi la nouvelle année qui a amené des nouvelles dévastatrices pour les alarmistes du réchauffement climatique. Une nouvelle recherche qui montre qu'il y a très peu ou pas de corrélation entre le CO2 et le réchauffement climatique. Ça, c'est une étude qui a été revue par les pairs, OK? Donc, faites attention, là, c'est pas une revue de sans dessin encore là, de petits blogueurs dans son coin obscur de la blogosphère, mais il s'agit bien d'une étude revue par les pairs, par des scientifiques, qui montre que la relation de cause à effet entre l'augmentation des émissions de CO2 produites par la consommation du carburant fossile n'a aucune relation en réalité, là. Il n'existe pas avec le réchauffement climatique. En fait, il y en a une, mais elle est inverse à celle qu'on nous a dit. C'est-à-dire que le CO2 augmente dans l'air, dans l'atmosphère, après un réchauffement climatique et non avant. Et ça arrive même quelques centaines d'années après un réchauffement climatique. Alors, vous voyez, là, ça commence à être maintenant de plus en plus admis. Avant, on a essayé d'étouffer ces scientifiques-là pour pas qu'ils révèlent la vérité, pour essayer d'étouffer. On essaie de sous-financer ou d'arrêter le financement de ces gens-là qui, finalement, racontaient leur point de vue qui est très légitime. On parle ici d'une étude de revue par les pairs, donc vous voyez, là, il n'y a rien là, de conspirationniste ou de déluré là-dedans. Là. On parle des gens là, qui sont très, très terre à terre. Et cette étude a aussi indiqué que finalement, ça a expliqué pourquoi les modèles du GIEC sur le climat, finalement, fait échec tout le temps. Okay? Donc, toutes les fameuses prédictions tombent à l'eau. Et puis, c'est pas vraiment compliqué, c'est parce que c'est évidemment que leur modèle, eux autres, assument que le CO2 causé par l'homme cause le réchauffement climatique, ce qui, dans l'étude, est trouvé comme étant une fausse affirmation. C'est une hypothèse qui ne se tient pas debout. Alors, les principales conclusions de cette étude arrivent à l'analyse que le CO2 n'a aucune relation causal avec le réchauffement climatique et qui n'est pas puissant assez pour causer les changements de température historiques qui ont été observés. Le principal argument, en l'absence immédiate de corrélation entre le CO2 et les changements précédant la température, sont vrais autant pour le climat global que pour les changements locaux. Donc, voyez là que la consommation du pétrole, et qui cause du CO2 dans l'atmosphère n'a aucune relation avec les températures changeantes sur une base annuelle. Okay? Donc, voyez là que ça commence à être très intéressant. Je vous ai mis le document en PDF en lien sur les nouvelles intentionnelles. Vous pouvez aller télécharger ça, aller voir ça, l'étude au complet est là. Un autre article ici qui parle que la glace en Arctique a plus de doublé. On parle de l'épaisseur, OK? Et puis la région en plus, la quantité, la surface a plus de doublé dans les 2 dernières années. Ça, c'est des nouvelles qui viennent de la US Navy, PIPS, OK? C'est des données officielles qu'on a colligées et on a trouvé que la surface, OK, la quantité de glace de plus de 2,5 mètres d'épaisseur a plus de doublé depuis la même date en 2008. Alors, voilà aussi une autre nouvelle des plus intéressantes. Ensuite, ben là, ça a été la quantité de records de neige et de froid qui a sévi à la grandeur de la planète qui est vraiment, qui sort de l'ordinaire. C'est le deuxième ou troisième hiver d'affilée où on connaît des records de froid et de neige à l'échelle de la planète. Et à un moment donné, là, il va falloir arrêter de faire des causes à effet, là, de dire que là, c'est le réchauffement climatique qui cause le refroidissement climatique, OK? Hein? Je veux dire, à un moment donné, là, c'est comme si les gens ils vous disent là, que en montant le chauffage dans votre voiture ou dans votre maison, il va faire plus froid. T'sais, à un moment donné, là, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Là, vous avez un article ici qui parle de des centaines de records de froid et de couverture de neige aux États-Unis. Alors, allez voir ça, cet article-là, des centaines de records qui ont été battus juste cet hiver aux États-Unis. On parle d'un nouveau mini-âge glaciaire qui risque de nous frapper cet hiver. Ça serait apporté par le Daily Mail et probablement celui qui va être reconnu pour le plus froid en 300 ans. OK, 300 ans. Allez voir ça. Alors, vous voyez des conflits d'intérêts aussi à travers les gens. Vous voyez les gens qui vous ont prédit qu'il était pour faire très chaud, là. Vous allez retrouver plusieurs articles là-dedans, là. Des faits intéressants, là. Vous avez des gens, là, qui, en Angleterre, étaient à la tête, là, du Met Office Board, Robert Napier, qui, lui, a fait ses fameuses prédictions qui disaient quand même l'hiver était pour être une chose du passé. Et puis, cette personne-là se retrouve à être le CEO, en fait, le directeur du Green Fiscal Trust. Vous avez aussi ce personnage-là qui est directeur du World Center for Monitoring of Conservation, Carbon Disclosure Project, The Carbon Group et puis de la World Wildlife Fund en Angleterre. Et ensuite aussi, il est aussi membre de la Green Alliance. Alors, ces gens-là ont les pieds un peu partout, hein, donc ont des intérêts un peu partout. Et puis après ça, vous épeurent avec des mensonges, quoi, finalement. Vous avez Pierce Corbin, à peu près un des seuls qui a de façon exacte prédit un hiver extrêmement froid et neigeux. Et lui, ce gars-là, on a ri de lui avant le début de l'hiver. On a dit, hey, c'est un méchant malade, là. Et puis finalement, ça a été le seul à dire la vérité. C'est parce que pourquoi? Ben, parce qu'il regardait les vrais signes, il regardait les vrais indicateurs. Et puis pour lui, c'était évident que c'était pour être un hiver froid. Et comme de fait, c'est un des hivers les plus froids, au moins en 100 ans en Angleterre, là. Je veux dire, on a connu jusqu'à date un hiver absolument atroce là-bas. Allez voir ça. Vous avez différentes vidéos. Allez voir une planète qui est extrêmement froide. Une autre nouvelle où on parle de ça, incluant au Canada des températures qui sont sous les normales, à part dans l'Est, mais dans l'Ouest, c'est extrêmement froid. Ensuite, vous avez un autre article ici qui parle d'un autre âge glaciaire qui pourrait durer. En fait, c'est Pierre Corbin encore qui lui prédit que justement les températures vont continuer à devenir de plus en plus froides pour les 20 à 30 prochaines années. Alors, allez voir ses explications, sur quoi il se base, c'est très intéressant. Durant les dernières semaines, un autre article ici, on parle de 297 records de basse température aux États-Unis. On a de la neige dans 49 États sur 50 aux États-Unis. Ça aussi, c'est quelque chose de spécial, là, incluant en Hawaï. Alors, de la neige au sol sur 49 des 50 États. Okay? Vous comprenez qu'aux États-Unis, dans le sud, là, c'est censé être pas mal chaud. Ensuite, on a eu de la neige, écoutez, en Floride. On a eu des cultures qui ont été détruites par le froid. Alors, on a eu des milliers d'acres d'agriculture qui ont été détruites par le froid. Ensuite, vous avez la garde nationale qui a été déployée au Massachusetts parce qu'on a eu des, écoutez, là, on a eu des blizzards et des tempêtes de neige qui ont laissé au sol, là, des fois, là, jusqu'à un mètre et demi de neige, OK? Donc, ça s'est passé au New Jersey aussi, Minnesota, l'apocalypse de neige à New York à plusieurs reprises. Alors, New York a été complètement envahie par, jusqu'à date, là, des fois, là, jusqu'à au-dessus de 50, 75 cm de neige, jusqu'à 80 cm. Plusieurs vols, okay, des fois, des centaines de vols ont été annulés. On a eu au mois de décembre le plus de neige en 6 décennies, OK? Donc, écoutez, là, je veux dire, c'est le cinquième record de neige de tous les temps depuis qu'on garde ces données-là. Il y en a comme ça énormément, OK? Là, je veux dire, le plus de neige en 6 décennies sur la côte est américaine, c'est beaucoup, là. Vous avez plus de 6 000 vols aériens qui ont été cancellés juste au mois de décembre. Imaginez, là, c'est... Ce n'est pas des petites tempêtes de neige, évidemment. Des blizzards à Philadelphie, Boston, toute la côte est américaine, la Nouvelle-Angleterre, la même affaire. Ça s'est propagé jusqu'au Mid-Atlantique, la Nord-Est, la même affaire. Boston, l'état d'urgence a été déclaré pendant une couple de journées, alors qu'une grosse tempête s'en venait. La Caroline du Nord, New Jersey, on a appelé encore là la garde nationale. Imaginez qu'on fait déplacer la garde nationale des tempêtes de neige, là. Ça commence à être assez sérieux. New York, ici, même affaire, trois États du Sud ont été tellement ensevelis sur des froids intenses et de la neige qu'on a déclaré des états d'urgence. Vous avez des vidéos, ça, Las Vegas, il y a neigé à Las Vegas. Okay? On est obligé de fermer des écoles à Las Vegas parce que le trafic était trop lent à cause des tempêtes de neige. Des blizzards en Arizona. Il y a même neigé dans les déserts du sud des États-Unis, hein, pour vous dire. Des problèmes à Washington, même affaire. On est obligé d'escorter des gens à travers différentes autoroutes comme l'Interstate 5 parce que, il y avait trop de neige. Okay? Donc, on a peur que les gens restent pris là-dedans et puis meurent dans leur voiture. Donc, ça s'est produit un peu partout à la grandeur des États-Unis, Tampa, Miami, Atlanta, New Mexico, et dans le sud complètement des États-Unis, okay, des grosses tempêtes de neige hivernales dans le Nouveau-Mexique. Janvier, qui pourrait être le mois le plus froid aux États-Unis depuis les années 80. Et ben écoutez, là, ça a été comme ça, là, un peu partout. Minneapolis, vous avez le toit du stadium qui s'est effondré. Donc, des changements climatiques assez rapides. On parle de même d'îles autour des États-Unis. Là, on parle ici de Emerald Island, okay, qui a été couvert par la neige. Alors, ça, c'est des photos de la NASA. Ça, c'est au large de l'Irlande, OK? Et Scotland, la même affaire, 3 pieds de neige. Alors, c'est 1 mètre de neige. Donc, ça s'est produit un peu partout. En Angleterre, c'est la même affaire, des froids qu'on n'a pas connus depuis là, une centaine d'années, des données rapportées par la BBC. En Irlande, on a même affaire des journées qu'on n'a pas connues, là, des records de froid depuis qui remontaient jusqu'à 1850. 4 000 personnes qui sont restées sans eau en Irlande du Nord parce qu'on avait poussé les gens à adopter des nouvelles mesures vertes. Hein, vous voyez, on avait dit, écoutez, là, il y a des nouveaux, comment on appelle ça, là, des gros, j'ai oublié le nom, des gens de réserve pour réchauffer l'eau. En fait, c'est British Gas là, qui avait demandé aux gens de se procurer des nouveaux chauffe-eau, si vous voulez. Et puis, vous avez 100 000 de ces chauffe-eau-là qui, finalement, ne fonctionnaient pas, ont mal fonctionné durant les froids extrêmes. Et puis, les gens n'avaient même plus d'eau pour leurs besoins. Alors, c'est assez spécial, ça aussi. Donc, des froids comme ça partout, les turbines aussi qui ne fonctionnent pas, les turbines là, pour, vous avez là, les éoliennes, hein? Donc ça aussi, ça ne fonctionne pas quand il fait trop froid. Alors, vous avez à peu près 3 000 turbines comme ça qui finalement étaient complètement arrêtées parce que le froid était trop intense. Et puis là, vous avez, écoutez, là, plus de 30 000 maisons qui sont restées sans électricité pendant que le froid sévissait. Écoutez, c'est énormément de nouvelles comme ça en Irlande. Allez voir ça. En Angleterre, ici, l'hiver le plus froid depuis 100 ans. Un autre article à propos de ça. Ensuite, vous avez des images. Écoutez, allez voir ça, les images, là, c'est assez incroyable. Les montagnes de neige, okay, qu'on a dû retirer de la route, même aux aéroports. Vous avez même la Met Office, celle qui fait justement des prédictions climatiques comme ça en Angleterre, qui savait qu'il y avait un froid intense qui s'en venait et puis qui ont gardé ça secret alors qu'on avait déclaré au public que c'était pour être un hiver assez chaud. Imaginez, ces gens-là savaient, mais au lieu d'avertir les gens que c'était pour être un hiver exceptionnellement froid, on a tout simplement gardé ça secret, on ne l'a pas dit au public et puis on a laissé les gens finalement se prendre là-dedans. Alors, c'est assez quand même spécial, là, je veux dire. Donc, vous voyez qu'on vous ment directement. Et on prédisait aux gens là, des hivers très doux, alors qu'ils savaient qu'ils mentaient au public pour ne pas finalement nuire à la conférence COP16 qui était pour se dérouler à Cancun. Alors, c'est assez spécial, là. Je veux dire, vous savez, là, ces gens-là, c'était pour se rencontrer à Cancun au mois de décembre dernier. On le savait que l'hiver était pour être très sévère, très froid. Et puis, on a menti aux gens consciemment pour ne pas nuire à ces clowns-là qui se sont rencontrés à Cancun pour nous charger de l'argent, pour nous faire peur, etc., etc. Un des mois de novembre les plus enneigés à Berlin. Alors, encore là, on a battu des records qui dataient de plus de 100 ans. Des records ici à l'Institut, on parle de ça à l'Institut danois de météorologie. Donc, on a connu des records de froid là-bas aussi. Au Danemark, qui se sont fait voler l'argent, comme je vous disais. Ici, c'est Helsinki, des records de profondeur de neige. On a même déclaré qu'on donnerait des amendes pour les gens qui auraient trop de neige ou de glace sur leur toit. Alors, ça, c'est la police suédoise. Parce que là, écoutez, là, c'est trop pesant sur les toits. Alors, il faut vraiment le menacer des gens de menaces financière, là, vraiment d'amende financière s'ils ne dégagent pas leur toit, leur toiture. En Suède, vous avez les magasins qui n'ont plus de, vous savez, de ces genres de crocs, là, de spikes là, pour prévenir les chutes. Alors, vous voyez les gens là, qui mettent ça après les souliers ou les bottes. Alors, on chausse ça, puis ça donne plus de traction sur la glace et sur la neige. Alors, on n'en a plus. En Angleterre, on a complètement tout écoulé, les pneus d'hiver. Alors, on n'en a pas assez. Les gens se préparaient pour un hiver chaud. Comme je vous disais, on leur a menti. Et puis là, c'est un des plus grands froids de tous les temps qui a sévi. Alors, voyez un peu la situation, là, loufoque, là. En Suède, on a déjà busté les budgets pour enlever la neige. Alors, imaginez, on avait un budget de 40 millions pour enlever la neige, et puis là, on est déjà rendu à 52 millions. OK? En Suède, ben, c'est la même affaire, des records de froid de plus de 110 ans. Ensuite, on avait des trains qui étaient dans les musées pour enlever la neige sur les chemins de fer. Alors, on pensait ne plus avoir besoin d'utiliser ces vieilles locomotives-là, et puis là, il aurait fallu les sortir des musées parce que là, on avait trop de neige, imaginez. Donc, Suède, encore là, des records en mois de décembre qu'on n'a pas vu depuis 100 ans. Depuis 100 ans, OK? On n'a plus de souffleuses à neige. aussi à Stockholm. Alors, boum, on en a plus, même que les gens se font voler parce que là, il y a trop de neige, fait que les gens se font voler leur souffleuse. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une souffleuse, c'est une machine qui finalement souffle la neige pour libérer là, les allées, puis l'entrée, puis la voiture et quoi que ce soit. Même affaire en Australie. Écoutez, en Australie, il y a neigé, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, même en Australie, c'est censé être l'été, il y a neigé. Naples, Capri, la même affaire. En Europe, partout, aux Bermudes, des records de froid aux Bermudes, imaginez. On n'a pas vécu ça depuis 50, 60 ans. Ensuite, comme je disais, en Australie, la même affaire, c'est censé être l'été là-bas. Alors, on a eu de la neige. C'est assez incroyable. Alors, la neige en plein milieu de l'été. OK, alors c'était censé être une chose du passé sur la neige, selon les gens là, de Hadley et puis les fameux là, alarmistes un peu partout, le GIEC et quoi que ce soit. Donc, de la neige en Australie, imaginez, c'est assez spécial ça, en plein été. Alors, le gouvernement australien même qui a est en train de considérer de renommer les changements climatiques pour les challenges climatiques, OK? Alors, les défis climatiques. Alors, voyez comment on joue avec les mots, là, parce que là, même les changements climatiques, ça fonctionne plus. Alors, ces gens-là sont tellement désemparés, ils ont fallu qu'ils partent des changements, du réchauffement climatique vers les changements climatiques, puis là, en Australie, on va appeler ça les climate challenges, hein? Donc, les challenges, les challenges climatiques. Alors, on est obligé de changer de nom parce que ces gens-là ont l'air trop fous. Le nord de l'Inde sous des vagues de froid sévères. Alors, on a connu ça même jusqu'en Inde. Vous avez des bateaux russes qui ont été pris dans la mer de Okhotsk, qui est une mer qui était censée justement être plus sous l'emprise des glaces, mais finalement qui ont finalement, écoutez, là, est prise dans des glaces intenses tellement que, écoutez, vous avez 600 personnes d'un équipage de bateaux, de 10 bateaux qui ont été pris dans les glaces dans la mer de Okhotsk et puis il a fallu envoyer des brise-glaces pour essayer de les sortir de là. Alors, même affaire des froids intenses en Chine. OK, donc vous avez au Japon aussi, au Japon, ils viennent de tomber à peu près 1 mètre de neige au Japon les derniers jours, là, hein, pour vous dire ça, là, 1 mètre de neige au Japon, bading! OK, je veux dire, au Japon, il y a des hivers, mais 1 mètre de neige. Je vais aller voir les photos de ça, là, vous avez une route qui a été ouverte comme ça, là, les deux côtés de la route, là, c'est comme deux murs de 4 mètres de neige de chaque côté, et puis vous avez la route qui est creusée dans le fond de ça. C'est complètement débile de voir la photo. Le réchauffement climatique qui s'attaque au Japon, vraiment spécial. Vous avez 7 000 buffalo et puis des vaches qui sont mortes de froid, okay, au Vietnam. Alors, au Vietnam, le Vietnam qui est frappé par des vagues de froid aussi. Donc, voyez, des températures comme ça partout à la grandeur de la planète. Écoutez, on vous avait dit que 2010 était pour être l'année la plus chaude. Et puis finalement, ça manquait de perspective historique. On vous a menti encore là, la NOAA, la National Oceanographic and Atmospheric Administration, finalement, a truqué les chiffres encore là, a revu les chiffres, a pris ceux qui faisaient leur affaire. Et puis on a essayé de faire à croire que finalement, là, c'était pour être une année très chaude, vraiment une année record. Et puis, ceux qui ont joué avec les dates, ont joué avec les chiffres, puis finalement, ben, on vous compte des niaiseries, là. OK? Voilà, c'est tout nous autres pour cette semaine. On va continuer un peu plus sur le dossier climatique la semaine prochaine. Il y en a beaucoup d'autres nouvelles à vous passer là-dessus. Des animaux qui meurent à cause de ça. Des pingouins, à part, imaginez des pingouins dans le passé qui sont morts alors à cause de des vagues de froid. Ça, j'ai publié ça. Pourquoi? Parce que on essaye de vous épeurer là, avec les oiseaux qui meurent partout, là, puis les oiseaux qui tombent du ciel, puis les vagues de poissons partout dans le monde qui meurent. Vous pensez peut-être que c'est à cause du froid? Hein? Peut-être que c'est à cause du froid, des vagues de froid un peu partout. Peut-être qu'à un moment donné, ça affecte les animaux aussi. Ce n'est pas des choses là, qui sortent de nulle part. Là. Je veux dire, des bunches comme ça d'animaux là, qui tombent du ciel d'un coup. Là, je veux dire, c'est déjà arrivé dans le passé. Là, OK? Là, ce n'est pas de quoi qui est complètement nouveau. Donc, pendant ce temps-là, ben, pendant qu'on s'apitoie sur le sort des oiseaux qui tombent du ciel, ben, là, vous avez des sans-abri, hein, des SDF qu'on appelle en France, des personnes qui n'ont pas de maison, de logis, qui meurent un peu partout en Amérique, hein, même en Pologne, vous avez ici 12 personnes sans logis qui sont mortes de froid. qui sont mortes de froid en Pologne, parce que justement, ça, ils font trop froid. Donc, c'est pas juste les animaux qui meurent, les personnes aussi. Donc, au Kansas, c'est la même affaire. Un autre ici, une nouvelle, ça vient de Carson, aux États-Unis. Donc, ça se pourrait bien qu'on soit en face d'une petite ère glaciaire. Alors, allez voir ça. Les températures globales de surface qui continuent de diminuer, de baisser. Alors, allez voir ça aussi. Donc, plus de glace en Arctique, les températures de surface qui diminuent. Vous avez ici l'Antarctique qui parle des niveaux des océans qui pourraient diminuer en 2010, alors qu'on vous a dit qu'on était pourrait être inondé partout. Donc, encore une des projections du GIEC qui sont en train de tomber à l'eau. Un autre article très intéressant à aller voir. Donc, c'est vraiment ça. Donc, préparez-vous. Nous autres, on va continuer à parler un peu de ça la semaine prochaine. Il y en a beaucoup d'autres nouvelles. Vous allez vous rendre compte que c'était une histoire à dormir debout. Donc, moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginal pour L'Autre Monde. Portez-vous bien, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.